Concernant la conscience d'objet, nous avons vu dans un premier temps que la conscience se structurait dans le rapport entre le sujet et les objets qui l'entourent, et les objets de son environnement. Et d'autre part, nous avons vu que la perception de ces objets n'était pas purement passive. Les représentations que se faisait le sujet n'étaient pas de simples copies des objets. L'idée, c'est que la perception est active, elle est structurée par des catégories mentales et par l'expérience à la fois individuelle et collective du sujet, ce qui fait que la conscience qu'on a du monde, elle est toujours un petit peu en décalage par rapport à la réalité. En tout cas, elle est une reconstruction de cette réalité. Ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que l'objet visé par la conscience ne désigne pas nécessairement, en tout cas, et jamais uniquement, une chose réelle, une chose physique. La conscience, d'une part, on voit bien, c'est qu'elle peut se rapporter à des choses immatérielles, à des objets abstraits, comme des concepts, des nombres, ou à des objets fictifs, imaginaires, donc purement construits par l'esprit. Mais on pourrait dire aussi, c'est que le monde dans lequel se situe le sujet conscient, ce n'est jamais simplement un environnement physique. C'est un monde de symboles, de significations, qui d'une certaine manière se superpose au monde matériel. En d'une certaine façon, le sujet humain, il attribue un sens aux objets qu'il perçoit. Autrement dit, ces objets vont toujours, pour lui, renvoyer à autre chose qu'eux-mêmes. On va prendre des exemples, hein. L'idée, c'est que cette signification, bon, ce sens qu'il attribue aux objets, il peut être purement individuel. Voilà, par exemple, quand je vois le clou, je ne le perçois pas simplement comme un petit bout de métal devant moi. Je lui donne un sens, pour moi, cet objet, j'y vois un objet utile. Il me renvoie au marteau et aux planches que je vais pouvoir utiliser pour fabriquer une étagère, donc il me renvoie à l'ordre que je veux mettre dans ma maison, aux livres que j'ai lus, que je voudrais lire. Donc il fait sens pour moi, il me renvoie à autre chose. Mais ça peut être aussi une signification collective, hein, notre perception des objets étant médiatisée par notre culture. C'est-à-dire qu'un même objet va prendre un sens différent selon les repères culturels de la personne qui le voit, qui le perçoit. Donc l'idée, c'est bien que notre conscience des objets, notre perception du monde extérieur, elle est toujours imbriquée entre une conscience d'objet purement physique, mais aussi des significations, des symboles. Alors, l'anthropologue Pierre Lemonnier donne, par exemple, il donne l'exemple d'une barrière de jardin. Voilà, bon, une barrière de jardin, notamment dans la culture Barouya de Nouvelle-Guinée. Pour le voyageur étranger qui débarquerait dans un village Barouya, la barrière de jardin, c'est simplement la protection des patates douces que l'on fait pousser. Mais en fait, pour les membres de la société Barouya, hein, cette barrière, c'est plus que ça, elle symbolise autre chose, elle a un autre sens, parce que elle est interprétée en fonction de schèmes culturels. Donc la barrière de jardin, pour les Barouya, elle symbolise en même temps la séparation entre les genres, puisqu'en fait les hommes et les femmes ne doivent pas cultiver les mêmes plantes. La barrière, c'est en même temps le rappel du devoir de coopération entre les beaux-frères pour nourrir la famille. Donc on voit que la barrière de jardin, voilà un objet très concret, très simple, et bien en fait cet objet, selon la culture, selon les repères culturels que l'on a, mais il n'a pas le même sens. Donc on ne le perçoit pas de la même façon, et donc notre conscience du monde autour de nous est différente. Donc un autre exemple du fait que la conscience des objets du monde environnant, elle est structurée par des catégories culturelles, qui en fait se superposent aux objets matériels, eh bien, elle nous est donnée par l'histoire du culte du cargo. Alors, qu'est-ce que c'est que le culte du cargo? Eh bien, ça vient d'une histoire qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à ce moment-là, en fait, les Japonais et les Américains se battaient pour le contrôle des îles du Pacifique. Hein, voilà, chacun essayait de contrôler le plus grand nombre d'îles possible. Et bon, sur ces îles, il y avait déjà des habitants, dont certains n'avaient pas eu, ou du moins très peu de contact avec les autres civilisations, et puis avec surtout la civilisation industrielle, qui était largement très développée au Japon et aux États-Unis. Bon, donc on avait ces Mélanésiens qui voyaient s'installer sur leurs îles des camps militaires, voilà, avec des soldats qui mettaient créaient des pistes d'aviation, qui construisaient des baraquements. Bon, et en fait, certains Mélanésiens furent notamment très surpris lorsqu'ils virent les opérateurs de communication qui utilisaient leur radio, et donc ils entraient dans une petite cabine avec une antenne. Et en fait, après avoir appelé dans cette cabine, eh bien, on avait un avion qui arrivait et qui apportait des vivres. Donc, bon, bah, évidemment, les Mélanésiens qui n'avaient pas été en contact avec la civilisation industrielle, ils n'avaient pas les connaissances techniques qui leur permettaient de comprendre le fonctionnement de ces objets. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils les percevaient à travers leur propre chaîne culturelle, à partir de leurs propres repères. Donc pour eux, qu'est-ce que c'était que ces petits baraquements avec une antenne? En fait, c'était probablement un hôtel qui permettait d'appeler les dieux. Quelque chose comme ça. Donc en fait, ce que firent les habitants de ces îles, en tout cas dans les années qui ont suivi, c'est qu'ils se sont dit, bon, bah, nous aussi, il faut qu'on puisse, comme ces étrangers, arriver à rentrer en contact avec les dieux. Donc ils se sont remis à copier exactement à l'identique. Ces objets, donc c'est les baraquements, les antennes, les postes de radio, mais en bois, forcément, avec les outils dont ils disposaient, les moyens dont ils disposaient. Et ils essayaient de reproduire le même rituel que celui auquel avaient l'air de s'adonner les militaires américains et japonais. Mais évidemment, bon, ça produisait pas le même effet. Mais donc on voit bien, en fait, c'est que le poste de radio, il était réinterprété en fonction d'un schéma culturel complètement différent. Donc là, pour le soldat américain ou le soldat japonais, évidemment, le poste de radio, c'est un appareil technique qui permet de rentrer en communication avec le reste de l'armée sur d'autres îles. Mais pour le Mélanésien, qu'est-ce que c'est? Il s'est réinterprété en fonction de son propre schéma culturel. Eh bien, c'est sans doute un objet rituel qui permet de faire venir, d'utiliser des forces invisibles d'une certaine façon. Donc, on voit bien que, au-delà de l'objet matériel, technique, il y a par-dessus une couche de sens, et donc la conscience du monde, la perception des objets, elle se fait en fonction de ses repères culturels. Donc ça, là, on voit bien que la conscience d'objet, ce n'est pas juste une perception uniquement sensible, une perception sensible d'objets matériels, c'est en même temps une perception qui est structurée par des catégories culturelles. Bon. Et bon, enfin, dernière chose qu'on pourrait dire sur cette conscience d'objet, c'est le fait que bon, la conscience peut viser non seulement des objets extérieurs à elle-même, des objets extérieurs au sujet, mais la conscience peut aussi viser ses propres actes, ses propres états, hein, ses propres états de conscience. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la réflexion. Hein, la réflexion, c'est l'acte mental par lequel on examine nos propres états de conscience. Par exemple, je me remémore un souvenir d'une perception passée et je juge si ce souvenir correspond bien avec l'expérience que j'ai réellement vécue. Donc, c'est l'idée que la réflexion, c'est la pensée qui se prend elle-même pour objet. On voit bien en fait cette conscience d'objet, elle a vraiment plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération et que cette notion d'objet, il ne faut surtout pas la réduire simplement aux objets matériels.